Donc, je vous propose tout de suite donc, de donner la parole à Marie-Thérèse Martinelli. Et nous verrons, bien sûr, un certain nombre d'extraits. On en a un petit peu moins que d'autres fois, mais les extraits seront plus longs. Et ça, c'est lié, évidemment, à l'avancement ou non des transferts. Et j'en profite tout de suite pour dire que la venue de Marie-Thérèse Martinelli de Toulouse est l'occasion de l'arrivée de nouvelles bandes à transférer dans les fonds. Donc, par les soins de la Bibliothèque nationale de France. Et ça n'est apparemment qu'un petit échantillon que ce que Marie-Thérèse aurait conservé à Toulouse et des bandes déclarées perdues ou égarées pour l'instant, notamment de Vidéo 00, se retrouvent ici, notamment sur le Larzac. Voilà, on en parlait en décembre, exactement. Et une nouvelle copie d'École Gare de Triage que Monique Martineau a aussi ramené aujourd'hui. Il y a une troisième copie qui vient d'arriver. Et c'est un vrai bonheur, puisque la première copie qui était avait été transférée, donc qui venait de vous, est une copie de très mauvaise qualité. Donc, heureusement, on va pouvoir retrouver d'autres copies qui amèneront probablement de meilleurs transferts. Marie-Thérèse, on vous laisse la parole. Voilà. Donc, nous étions donc en 1974... lorsque Gilbert Martinelli et moi-même, nous sommes partis habiter à Toulouse, et comme nous étions très impliqués dans la création et le travail que nous avions réalisé avec Yvonne et Michel Lefebvre au sein de Vidéo 00, il nous a semblé tout à fait logique, et c'était même notre projet de continuer ce travail en le... Attendez, parce que j'essaie de l'éteindre, j'y arrive pas. Alors, il n'arrête pas de... Comme c'est le jour, j'essaie de l'éteindre. Bon, parce que sinon, on ne va pas y arriver. Alors, oui, donc, ça nous a paru tout à fait... C'était notre objectif de créer un groupe sur Toulouse et de continuer ce travail-là en lien avec Vidéo 00. On a toujours travaillé ensemble. Parfois, on a réalisé des choses en commun. Parfois, on s'est séparés plutôt progressivement dans la réalisation, mais pas dans la collaboration. Donc, on a créé ce Vidéo 00 pour la référence à Vidéo 00, 31, parce que c'était la Haute-Garonne, et que donc, c'était pour lui donner sa référence géographique. Voilà. Donc, nous avions déjà une bonne acquisition de la technique, sachant que les garçons qui faisaient partie du groupe Vidéo 00 étaient tous les trois des ingénieurs, et que grâce à eux, nous avions les filles qui étaient moins aguerries sur les questions techniques, acquis un certain nombre de capacités techniques également. Et donc, lorsque nous sommes arrivés à Toulouse en 1974, donc on était deux, ayant pas tout à fait un équivalence techniquement, parce que tout de même, moi j'avais appris sur le terrain simplement, mais nous avions quand même une capacité déjà d'intervention, de création et technique assez développée. Notre souci à ce moment-là était d'élargir, évidemment, on ne pouvait pas rester à deux, et donc d'élargir, de créer un groupe. Et pour cela, nous avons commencé par faire un colloque de la vidéo qui se voulait international. On n'avait pas de frontières, et donc où a participé l'Université libre de Bruxelles. Il y avait tout de même pas mal de monde, ce qui nous a permis de rencontrer sur Toulouse le monde qui s'intéressait à l'audiovisuel, qui s'intéressait au balbutiement du début de la vidéo. Et donc, ça nous a permis de nous faire connaître et de connaître un réseau avec lequel on pouvait commencer à travailler. Alors, pourquoi on était si intéressés par créer également à Toulouse un groupe qui se donnait comme outil de travail la vidéo pour s'exprimer? Bon, là, ce texte qui a été écrit par Gilbert Martinelli, qui entre-temps est décédé, donc c'était une façon aussi de lui rendre hommage en vous l'ayant donné, c'était aussi parce qu'on ne voulait pas que la télé soit notre seul reflet de l'expression. On voulait prendre en main cet outil de communication qui nous permettait de dire ce que nous étions et de communiquer avec les autres sans passer par ces chiens de garde que déjà à l'époque on appelait ainsi, parce qu'on avait une réflexion assez poussée au sein de Vidéo 00 et au sein de Vidéo 00-31 sur le fonctionnement de l'image, sur comment l'image fonctionnait dans les esprits des gens, dans l'imaginaire, dans la psychologie. Et donc, c'était ça, un des premiers ancrages de notre volonté de créer un groupe, c'était d'une part de ne pas laisser que les autres s'expriment à notre place, et d'utiliser cet outil vidéo pour que, avec les gens avec qui nous travaillons, on puisse s'exprimer directement de notre vécu, de nos expériences et de ce qu'on avait à dire. Alors c'était moins, ce n'était pas une volonté créatrice, hein, dans le sens d'être auteur, être reconnu comme des gens créateurs, des auteurs de cinéma, de vidéo. Ce n'était pas ça du tout pour nous. C'était vraiment la communication qui était notre fil conducteur. C'était vraiment ce partage d'un outil et de le mettre au service de tous ceux qui avaient envie de s'exprimer à travers lui, pour que justement ça ne devienne pas un outil uniquement destiné aux professionnels et aux spécialistes. Alors, c'est vrai que cette envie que nous avions de faciliter la communication au plus grand nombre était difficile à mettre en œuvre parce que nous voulions ne pas avoir une place de spécialiste, une place de technicien, mais en même temps, c'était très difficile parce que nous l'avions, cette place de technicien. Et donc, comment faire pour qu'on soit au même niveau entre ceux qui s'expriment et ceux qui transmettent cette parole? Ça, je crois qu'on n'a jamais fini de rechercher dans ce sens-là, et qu'on n'a jamais atteint effectivement une situation qui nous serait satisfaisante. Voilà. Donc, mais ça a été quand même notre souci constant, et nous avions donc décidé de ne jamais intervenir dans des champs qui n'étaient pas les nôtres. C'est-à-dire qu'on intervenait toujours là où l'un d'entre nous était impliqué. On n'allait pas dans une usine si on n'y était pas, au moins un d'entre nous avait quelque chose de ce lien avec cette usine. On n'allait pas dans les mouvements des femmes s'il n'y en avait pas une d'entre nous qui le prenait en charge, parce que c'était son domaine d'investissement et d'engagement. Donc ça, pour nous, c'était très important aussi de ne pas parler à la place des autres, et de toujours parler à partir de soi, de ce qui était notre engagement réel. Alors, ce qui a conditionné nos modes de fonctionnement, c'était ça. C'est-à-dire que quand on a travaillé sur le Larzac, par exemple, on avait commencé avec Vidéo 00 lorsque nous étions encore à Paris. Et puis lorsque nous sommes arrivé à Toulouse, on a continué. Le Larzac était plus proche aussi pour nous. Hein. C'était plus facile aussi d'aller aux manifestations, d'aller. Et là, nous nous étions appuyés sur. Nous étions très très impliqués avec la CFDT de l'époque, qui était à ce moment-là un syndicat autogestionnaire, qui n'était pas ce qu'il est devenu maintenant comme syndicat. Et donc, ce syndicat nous correspondait dans nos engagements, et nous avons donc travaillé avec les syndicalistes du Larzac, de Rodez, pour ne pas oublier. Et c'est donc à partir d'eux, à partir de leur expérience, à partir. Donc, avec Vidéo 00, on avait plutôt travaillé avec les paysans, avec et nous, compte tenu de notre démarche, puisque nous n'avions pas dans notre groupe de paysans qui s'intégraient à notre travail, on a préféré prendre un deuxième volet qui faisait une synthèse entre les deux, qui à nous nous paraissait intéressante. Voilà. Ensuite, il y avait aussi non seulement notre engagement personnel, mais il y avait aussi notre insertion professionnelle. Moi, j'ai commencé à travailler très vite lorsque je suis arrivée à Toulouse dans les services de l'éducation nationale de la formation continue, donc ce qu'on appelait les GRETA. Et à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser énormément à la formation. Et nous avons monté énormément, mais je crois que c'était le plus grand nombre d'actions que nous ayons menées, c'était autour de la formation. Donc nous avons mené des formations à l'utilisation de la technique audiovisuelle, toujours dans cette démarche de mettre à la disposition des gens cet outil-là, aussi bien dans des écoles primaires, donc avec les enfants. On a fait des choses très intéressantes avec les enfants, beaucoup sur la publicité, comment les images de la publicité, comment elles s'impliquaient dans la tête des enfants, comment, qu'est-ce qu'ils y voyaient, qu'est-ce qu'ils racontaient de ces images. Et on a découvert d'ailleurs des choses assez étonnantes, parce que grâce à la vidéo, on pouvait s'arrêter sur une image et passer image par image. Et on a découvert des images subliminales absolument incroyables. On a découvert par exemple que, je crois que c'était Vittel, c'était, ou Orangina, je ne sais plus, Orangina, je crois, le truc qu'on secoue pour qu'on puisse mieux le boire, c'est Orangina, non? Eh bien, à la fin, il y avait une image subliminale, c'était que la fille qui arrivait avec Orangina, avec un petit tablier, il y avait une image où elle avait les fesses à l'air. Et on ne la voyait pas si on passait les... Mais si on s'arrêtait image par image, il y avait des images comme ça, qui étaient en plus, et qui étaient des, ce qu'on appelle les images subliminales, qui intégraient dans l'imagerie des gens, je ne sais pas ce que ça faisait, mais en fait, c'était sans doute pas pour rien qu'on mettait les fesses à l'air de la serveuse sur ces images-là. Voilà. Donc ça nous faisait un travail extrêmement intéressant et important avec les enfants. Par exemple, l'histoire de Mitterrand, on l'avait vu, l'histoire de l'image de Mitterrand dans le générique des informations, on l'avait vu avec les enfants, ça. On avait vu cette image-là. Et donc, c'était une manière d'éveiller chez les enfants l'esprit critique et la capacité chez eux de ne pas avaler toutes les images qu'on leur proposait sans se rendre compte qu'on pouvait les manipuler aussi avec ça. On a aussi beaucoup formé les syndicalistes, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on faisait des vidéos avec eux, on les incitait à travailler avec nous, à prendre la caméra, et tous les montages étaient toujours faits avec les groupes avec lesquels on travaillait. Donc, quand on a fait la SNIAS, dont je vous ai apporté deux copies en espérant qu'elles seront bonnes, quand on a fait la SNIAS, puisque à Toulouse, donc, on avait beaucoup, dans le groupe, on avait 3 ou 4 ingénieurs aérospatiales, quand on a fait la SNIAS, les syndicalistes sont venus faire le montage avec nous. C'est-à-dire qu'on impliquait les auteurs de l'action, y compris dans le montage. Et parfois dans la prise de vue, ça c'était plus rare. Mais sur le montage, oui, parce que techniquement, nous, on pouvait être aux manettes, mais ils pouvaient faire la décision des plans que l'on prenait, de ce qu'on laissait, de l'agencement des plans, ils pouvaient le faire avec nous. Donc ça, ça a été aussi une forme de formation directe à travers formation action, à travers les réalisations ensemble. Ensuite, c'est plutôt moi, puisque bon, un peu comme votre couple, lorsqu'il s'agissait de groupes féministes, c'était moi qui étais impliquée dans ces groupes féministes. J'ai aussi proposé, à ce moment-là à Toulouse, c'était la Maison des Femmes qu'on a créée en 75, je crois, ou 74, je ne sais plus, 75 ça doit être, oui, qu'on a créée en 75. J'ai proposé à des femmes qui le voulaient d'apprendre à utiliser le matériel audiovisuel. Et parmi elles, il y a des gens que vous connaissez, comme Monique Eco, comme Maïté Débat, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont devenues des femmes qui utilisent la vidéo dans leur métier et qui sont même excellentes, je veux dire, même bien supérieures à ce que moi j'ai réalisé, parce qu'entre-temps, le matériel est devenu autre chose, parce qu'elles ont travaillé plus longuement que moi, puisque moi, après, j'ai un peu abandonné ce domaine-là. Voilà, donc c'était vraiment notre souci principal, c'était la transmission. Ensuite, dans la transmission, il y avait aussi, lorsque nous faisions des documents sur les luttes ouvrières, bon, les champs d'intervention le dira après peut-être. Oui, d'accord. Je voulais juste dire sur la transmission. Lorsque nous faisions des documents sur les luttes ouvrières, notre souci, on faisait des sortes de tracts vidéo, des choses très courtes, et on passait sans montage le lendemain dans les restaurants d'entreprise, grâce au comité d'entreprise avec lesquels nous travaillons, on passait directement l'information le lendemain à l'heure du repas à l'entrée des comités d'entreprise, ce qui faisait une contre-information par rapport, ou même une information, parce que souvent c'était des choses qui ne passaient pas, hein, aux informations. Donc ça, ce qui nous permettait, sur les actions qui étaient menées, d'impliquer tout le personnel de l'entreprise très rapidement et très directement. Peut-être pourriez-vous quand même préciser qui composait ce groupe en dehors de Gilbert Martinelli et vous-même. Alors, au gré des vidéos, je pense que ce groupe, évidemment, pouvait changer, se recomposer. Mais voilà, il y avait un groupe stable. Voilà. Il y avait un groupe stable. Et puis après, selon la réalisation, on avait un groupe qui s'incluait en fonction du sujet. Quand c'était sur le syndicat, c'était les syndicalistes. Quand c'était sur une entreprise, c'était les travailleurs de l'entreprise. Sinon, le groupe fixe était majoritairement constitué de syndicalistes de la CFDT, donc ils étaient 3 ou 4, ingénieurs, je disais, c'était plutôt des cadres. Ensuite, il y avait un menuisier, hein, qui n'était pas un cadre, mais en fait qui était quand même un artisan à son compte. Il y avait moi qui était enseignante. Et il y avait une autre dame qui n'avait pas de profession concrète, qui était, comment on disait, femme à la maison, qui travaillait à la maison, disons, voilà, pour être plus correcte, parce que je pense qu'elle travaille beaucoup. Et donc, oui, c'était ça le noyau central, stable, c'était ça. Et après, comme je disais tout à l'heure, c'était nous qui avions la gestion, qui avions l'entretien du matériel vidéo, qui avions parfois des sujets à mettre en œuvre, et on cherchait les partenaires. C'était nous qui avions les initiatives aussi. Hein, voilà. Parfois, les initiatives venaient de l'extérieur, on était sollicités, et donc on voyait entre nous qui était le plus intéressé pour participer à tel sujet. Celui qui était disponible ou qui était intéressé pouvait le faire. Voilà. Et les financements? Ils étaient entièrement personnels au démarrage. Et ensuite, lorsque on n'a jamais eu de financement, ni de fonctionnement, ni d'équipement. On a toujours financé de manière autonome. Sauf que lorsque nous avons commencé à faire des formations, parfois, on était rémunérés. On était rémunéré pour la formation, et cette rémunération n'allait pas à la personne qui assurait la formation, mais elle allait à l'association. Donc votre collectif avait le statut d'association loi 1901. Voilà. Là, ça avait un statut oui, on précis. Oui, voilà, on a choisi d'avoir un statut. Je ne me souviens plus pourquoi, mais je suis sûre qu'on l'a choisi aussi parce qu'on travaillait avec des syndicats, on travaillait quand même avec des structures très installées. Et que donc, en plus, à un moment donné, on pensait pouvoir demander un agrément pour la formation, ce qui aurait permis d'intégrer les coûts de formation pour les gens qui venaient dans le cadre de la formation continue. Bon, on n'a pas été jusqu'au bout de cette idée, mais on avait cette volonté, ce qu'il fallait absolument avoir une association déclarée à but non lucratif, complètement reconnue. Et peut-être une dernière question pour cette première prise de parole. Vous-même, vous aviez une formation aux images. Aux images, oui, oui. Parce que, bon, comme je vous le disais au téléphone, j'ai failli terminer une thèse avec Jean Rouge, que je n'ai pas terminée, mais j'ai travaillé pendant 3 ans avec son équipe. J'ai fait énormément de travail, de recherche sur les images. J'avais fait une première étude sur l'image de l'Indien dans le cinéma. Et donc, j'avais, à partir de là, analysé un peu comment le réel et la mythologie se rencontraient, quelle était la part de la mythologie inventée, quelle était la part du réel. Et donc, ça m'avait amené à aller vérifier sur place comment ça se passait. Et donc, après, quand je suis revenue sur Toulouse, compte tenu de la distance, des frais de déplacement, je n'ai pas pu terminer. Parce que les venues au séminaire de Rouge étaient les samedis matins, il fallait donc prendre le train, payer son voyage, j'avais aucune bourse, c'était pas compatible. Et j'ai préféré, je sais pas si j'ai eu raison ou tort, c'est pas grave, mais j'ai préféré dégager ces financements possibles pour continuer le travail de Vidéo 0031. Voilà. Merci beaucoup Marie-Thérèse.